Le séminaire sur les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il a eu lieu à Saint-Pétersbourg, Russie. Dans la salle du séminaire est exposé les portraits en sourire du président et du général. Y ont pris part les personnalités des organisations d'études des Zhuzhe, comme le secrétaire général de la Fédération internationale des associations d'études des Zhuzhe et de la politique de Sungun de l'Europe Est et de l'Asie centrale, président de l'association d'études de la politique de Sungun des jeunes de Russie et autres habitants, ainsi que la délégation de la Société coréenne des sociologues en visite en Russie. Les orateurs ont exalté les exploits du président et du général qui ont consacré toute la vie pour le peuple et qui ont éclairé la voie pour la réalisation de la souveraineté des masses populaires. Au séminaire, on a adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.